pour le pire. Il était temps, il était temps. Mes parents et leur sourire, ils ont marié leur enfant. Plus de panique, j'ai trouvé celui qui prendra soin de moi. Papa, repose-toi. Il est là. Il m'a dit oui et j'ai dit oui devant le Très-Haut. Il est pour moi le parapluie quand il ne fait pas beau. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, je te le donnerai. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, je te le donnerai. Et quand je pense à nous deux, c'est moi ton encore quand on sera âgé. Moi mon amour, je te le donne à vie, je te le donnerai. Aujourd'hui je suis une femme et je suis fière d'être la tienne. Laissons-les trouver des failles, ça ne me pose aucun problème. T'es tombée du ciel aujourd'hui, dis-moi ce que je ferais sans toi. Mon bébé, je le sais aussi, tu serais perdu sans moi. Je vivrais tout avec toi, dans la misère ou dans le succès. Je t'aime, tu le sais, tu le sais. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, je te le donnerai. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, je te le donnerai. Et quand je pense à nous deux, c'est moi ton encore quand on sera âgé. Moi mon amour, je te le donne à vie, je te le donnerai. Toi mon homme, toi mon sauveur, toi ma force, mon antidouleur. À tes côtés plus rien ne me fait peur, et tu l'as pris, t'as piqué mon cœur. Toi mon homme, toi mon sauveur, toi ma force, mon antidouleur. Plus rien ne me fait peur. Tu l'as pris, t'as pipi. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, je te le donnerai. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, je te le donnerai. Et quand je pense à nous deux, c'est moi ton encore quand on sera. Moi mon amour, je te le donne à vie, je te le donnerai. Tu l'as pris, tu l'as pris, t'as piqué mon cœur. Tu l'as pris, tu l'as pris, t'as piqué mon cœur. Tu l'as pris, tu l'as pris, t'as piqué mon cœur. Tu l'as pris, tu l'as pris, t'as piqué mon cœur.